Chapitre 24e. Vengeance. Armand, pour endormir les soupçons de l'équipage et de la comtesse, joua son rôle en homme habile. Il fut si adroit que tout le monde y fut pris. Au bout de 3 jours, le capitaine et la comtesse s'en causaient sur le pont. « Eh, signora, disait le marin, « on m'avait représenté notre jeune homme comme un tigre, comme un lion déchaîné, il est doux comme un mouton. » Les choses pouvaient tourner autrement, capitaine, dit la comtesse. S'il s'était révolté, vous n'étiez pas trop de vous tous pour le contenir. Vous ne connaissez pas mes marins, tous gens de courage et très forts. Capitaine, si vous saviez ce que vaut Armand, vous béniriez le ciel de ce qu'il se résigne. En tout cas, rien à craindre jusqu'à nouvel ordre, il ne s'ennuie pas, grâce à vous. Et puis, il lui devenait indifférent d'aller ici ou là. Et tous deux s'ancrèrent dans cette idée, qu'Armand avait pris son parti de la traversée. Une nuit, l'on passait justement en vue des côtes de Sicile, la mer était admirable. Une brise faible enflait les voiles sans soulever les vagues. Armand et M. Le Noël étaient restés sur le pont, la comtesse dormait dans sa cabine. De l'équipage, il n'y avait sous le pont que le second qui était le quart et un homme à la barre. Tout le reste profitait de ce temps superbe pour se reposer dans ses hamacs. « Voilà l'occasion, » dit Armand. « Vous sentez-vous assez sûr de vous pour tuer ce matelot ?» demanda Armand. « Oui, » dit froidement M. Le Noël. « Moi, je me charge du second. Votre couteau de table est-il bien affilé, au moins ? Pointe-t-il bien ?»« Oui, » dit M. Le Noël. « Allez, quand votre homme tombera, j'étranglerai le second et je le jetterai à l'eau. »« Allons, » fit M. Le Noël. Armand monta près du second. Il se connaissait déjà et s'était lié. « Pépé, » lui dit Armand, « gratifiez-moi d'un cigare, je vous prie. » « Volontiers, signor, » dit le second. « Quelle nuit, mon cher !»« Superbe, signor !» Armand alluma son cigare à celui que fumait déjà le second. Pendant ce temps, M. Le Noël s'avançait auprès du timonier. « Hé, garçon, » lui disait-il, « quelle ville apercevons-nous donc là-bas »« Signor, c'est Syracuse. » »« En sommes-nous loin ?»« À 3000 environ. » M. Le Noël eut l'air de regarder attentivement la ville et l'indiqua un phare. « Voyez donc, » fit-il, « voilà un feu rouge. » « Oui, signor, » dit le matelot, « c'est. » Il n'acheva pas et tomba foudroyé. Au même moment, Armand étranglait le second qui tombait à son tour. « Je me charge de l'équipage, » dit le jeune homme, avançant près de Le Noël. « Moi du capitaine, » dit ce dernier. Armand, muni d'une barre de cabestan, descendit dans la chambre d'avant où dormaient les matelots et les surprit dans leur sommeil. Il frappa avec sa massue. Un affreux concert de plaintes retentit bientôt, suivi d'un silence profond. En un instant, le colosse avait assommé tous ses hommes. Il revint sur le pont. Monsieur Le Noël l'attendait dans le bras de la comtesse épouvantée. Il lui disait « Si vous bougez, je vous tue. » « Le capitaine est-il mort ?» demanda Armand. « Oui, » dit Monsieur Le Noël. « Alors pendons, madame !» dit Armand avec une froide concision. La comtesse jeta ses pieds. « Inutile !» dit Armand. « À tous les crimes que vous avez commis, se joint celui de m'avoir forcé de vous aimer pour échapper à la captivité. Vous allez mourir. »« Mourir, quand je porte votre enfant dans mon sein ?» dit-elle. À cette révélation, Armand pâlit. « Vous mentez !»« Mon ami, » dit Monsieur Le Noël, « cette femme vous trompe peut-être, mais nous ne devons l'épargner rien que sur un simple doute. »« Une si belle vengeance !» dit Armand, puis prenant sa décision. « Conduisez-la dans sa chambre, » dit-il, et il réfléchit. « Que fallait-il faire ?» Monsieur Le Noël revint. « Nous ne pouvons diriger ce navire à nous deux. »« Abandonnons-le, » dit Armand. « Oui, » dit Monsieur Le Noël, « mettons le canot à la mer et gagnons Syracuse à l'aviron. » Auparavant, pendant tous ces gens au vergue, cela fera bon effet. Armand se mit à l'œuvre, aidé par Monsieur Le Noël, qui était vindicatif, on le sait. Quand tous les cadavres se balancèrent au-dessus du pont, ils mirent un canot à la mer, puis ils allèrent chercher la comtesse. « Madame, lui dit Armand, vous allez rester avec ces gens-là, vos dignes compagnons. Vous serez rencontrés et recueillis. Je vous laisse le soin d'inventer une fable pour justifier votre présence au milieu de ces pendus. Vous avez assez d'imagination pour vous tirer facilement à d'affaires. » La comtesse était muette. Le désespoir et l'orgueil lui imposaient silence. Elle regardait les cadavres d'un œil égaré. Armand lui dit encore, « Dans un an, prenez garde à vous, je vengerai Fernande. » Il se laissa glisser dans le canot où M. Le Noël le suivit. « Armand !» s'écria alors la comtesse d'une voix déchirante. Mais il fit force de rame pendant que M. Le Noël, à la barre, mettait le cap sur Syracuse. On se souvient de l'histoire singulière de ce navire abandonné à bord duquel les marins grecs trouvèrent des matelots italiens pendus et une femme. Celle-ci raconta que des pirates du Rif, de la côte marocaine, avaient attaqué le navire et avaient commis ces meurtres, que pour elle, en se cachant, elle avait évité la mort. On se rappelle sans doute que cette femme disparut et que quand la justice voulut l'amender pour éclaircir toute cette affaire, on ne la retrouva plus. C'était la comtesse Elora. Au jour, Armand et son compagnon entraient dans le port de Syracuse. Personne ne prit garde à cette petite barque, qui arrivait du large si matin. Pourquoi s'en préoccuper? Elle ne portait aucune marchandise et les douaniers n'avaient pas à la visiter. Armand avait heureusement sur lui conservé sa bourse, Monsieur Le Noël aussi. Tous deux s'informèrent du moyen le plus sûr et le plus rapide de gagner Naples. Un train partait de Syracuse pour Messine à 8 heures. Ils le prirent. Ils passèrent le détroit, s'embarquèrent dans un wagon à Reggio, arrivèrent à Bari, de là à Foggia, et enfin, ils prirent le train pour Naples. En vue de la ville, ils se serrèrent la main en pleurant silencieusement. « Nous allons voir sa tombe, » dit Armand. « Pauvre petite Fernande, » dit Monsieur Le Noël. Il était plus de minuit. Ils prirent une voiture et se firent conduire à la pension suisse, ne se doutant pas de l'effroyable spectacle qui les y attendait.